لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ما زلنا مع كتاب القواعد الأربع وقد انتهينا من القواعد الثلاث الأولى وبقيت معنا القاعدة الرابعة والأخيرة. يقول المصنف رحمه الله: القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشرك زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة، والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. تمت، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Donc il nous reste la quatrième règle du livre, les quatre règles, Qawaid al-Arba'. Donc l'auteur, il nous dit que les associateurs de notre époque, c'est-à-dire l'époque à laquelle ils vivaient, rahimahullah, leur association est plus grave que celle des premiers associateurs. Car les premiers associateurs, ils associaient Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'ils étaient dans l'aisance. Et lorsqu'ils se trouvaient dans une difficulté, ils invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala seul. Il dit que les associateurs de son époque, leur association a lieu tout le temps, qu'ils soient dans l'aisance ou bien dans la difficulté. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ. Lorsqu'ils montent à bord d'un bateau, ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala, lui vouant un culte exclusif. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala les sauve et les ramène à la terre ferme, c'est alors qu'ils associent à Allah subhanahu wa ta'ala. هذه القاعدة الرابعة في الحقيقة ليست يعني قاعدة كما مر معنا مع القواعد الثلاث الأولى، لأن القواعد الثلاث الأولى كانت يعني تمييزا للقارئ بين المشرك والموحد. فالقاعدة الأولى يعني علمنا أن الكفار الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بأن الله هو الخالق الرازق المدبر. ثم القاعدة الثانية أن هؤلاء المشركين إنما دعوا هذه الآلهة وتوجهوا إليها لطلب القربة والشفاعة، وأن القاعدة الثالثة أن عباداتهم ومذاهبهم كانت يعني مختلفة، فمنهم من كان يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من كان يعبد الشمس والقمر، ومنهم من كان يعبد الأشجار والأحجار، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينهم بل قاتلهم جميعا وحكم عليهم بالكفر والشرك. أما هذه القاعدة فيها المقارنة بين مشركي زمان المصنف رحمه الله والمشركين الأولين الذين كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يقول أن مشركي زماننا، ويتحدث عن زمانه ولكن يصدق كلامه على زماننا نحن، لأن الأمر لم يتغير. ف الاستغاثة بغير الله تبارك وتعالى والذبح لغير الله والاستعانة بغير الله تبارك وتعالى موجودة بين صفوف المسلمين، هذا موجود. فالمصنف رحمه الله أن توفي في بداية القرن الثالث عشر الهجري، يقول أن مشركي زماننا أغلظوا شركا من الأولين. لماذا؟ لأن الأولين كانوا يشركون في الرخاء، فإذا كانوا في حياتهم العادية وفي يعني أسرهم وفي تجارتهم ويعني عيشهم المعتاد كانوا يشركون بالله تبارك وتعالى، كانوا يتوجهون إلى آلهتهم ويدعونهم من دون الله تبارك وتعالى. ولكن إذا أصابتهم شدة وأصابتهم يعني مصيبة أو ضنك فإنهم يتوجهون إلى الله تبارك وتعالى وحده ولا يشركون به. فإذا ركبوا في الفلك نسوا آلهتهم وتوجهوا إلى رب آلهتهم وهو الله تبارك وتعالى. ومما يدل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، لأنهم خافوا من الغرق وخافوا من الموت ومن الأذى. دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. الله عز وجل إذا تفضل عليهم وكرمهم ببقائهم على قيد الحياة بأن أنجاهم إلى البر يرجعون إلى شركهم. أما المشركون في زمان الشيخ وفي زماننا نحن فإنهم قد نسوا الله تبارك وتعالى في الرخاء وفي الشدة. فإذا كانوا في الرخاء طبعا يشركون مع الله تبارك وتعالى، وكذلك في الشدة. لكان من أناس يعني تمر عليه الشدائد أول ما يفعله كيمشي هكفا يعتكفا وعاد القبر، كاين ولا لا؟ موجود. بخلاف للمشركين كانوا إذا أصابتهم الشدائد يخلصون لله تبارك وتعالى الدين. هناك يعني آيات في القرآن كثيرة في هذا المعنى. قال الله تبارك وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. وقال تعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوه الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفر. إذن المشركون في زماننا حتى إذا يعني أصابتهم الشدائد يفزعون إلى غير الله تبارك وتعالى، قد أن يعني يشركون في الشدائد أكثر مما كانوا يشركون في وقت الرخاء، فيدعون غير الله تبارك وتعالى: يا حسين، يا حسن، يا فاطمة، يا البداوي، يا يعني الجلالي أو الجيلاني، إلى غير ذلك من قبور الصالحين أو غير الصالحين التي تعبد من دون الله تبارك وتعالى، وهي موجودة في يعني أنحاء الأرض. ومن يعني زاد في الكفر فإن عذابه يكون أشد يوم القيامة. الشرك ملة واحدة، ولكن الله عز وجل كما اللي في الجنة يعني درجات كذلك في نار جهنم دركات، فكلما كان الإنسان أشد كفرا وأشد شركا بالله تبارك وتعالى فإن الله تبارك وتعالى يزيد عذابه عياذا بالله. قال الله تبارك وتعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. هذا يدل على أن هناك زيادة في الكفر، وأن الكفر ليس في مستوى واحد. وقال تعالى: الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. إذا كان الكافر أن زيادة على كفره فإنه يصد عن سبيل الله، هو كافر ومع ذلك يعني يحارب دين الله تبارك وتعالى ويحارب دين الأنبياء والرسل ويحارب الصراط المستقيم فإن الله تبارك وتعالى يزيد له عذابا فوق عذابه. Donc la quatrième règle n'est pas semblable aux règles que l'auteur a citées précédemment. Du fait que dans les règles précédentes, il voulait montrer la différence qu'il y avait entre la personne qui est sur la religion que l'on appelle le tawhid et la personne qui associe à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il nous a décrit les associateurs en nous disant que les gens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu, ils avaient comme croyance qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui le créateur, c'est lui qui leur donne leur subsistance, c'est lui le commandeur de toutes choses. Et malgré cela, lorsqu'ils ont associé avec Allah subhanahu wa ta'ala des idoles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été ordonné de les combattre. La deuxième règle, c'était que ces mêmes associateurs, le but de leur invocation d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est afin de se rapprocher d'Allah. Donc ils invoquaient autre qu'Allah afin qu'ils se rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a statué à leur sujet qu'ils étaient des associateurs et il les a combattus. Et également, la troisième règle, c'était que les gens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien les gens vers qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam était envoyé, ils avaient différentes adorations et différentes manières d'adorer. Donc certains, ils n'adoraient pas tous des idoles. Certains adoraient le soleil et la lune, d'autres adoraient les arbres et les pierres, et d'autres adoraient les prophètes, etc., etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a fait aucune différence entre tous ces gens-là et a statué à leur sujet qu'ils étaient des associateurs et ils les a combattus. Donc la quatrième règle, c'est en fait une comparaison entre les premiers associateurs et les associateurs de l'époque de l'auteur Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah. Donc il nous dit que les associateurs de son époque, donc il est décédé au début du 13e siècle de l'Égypte, il nous dit que leur association est pire que celle des premiers associateurs, du fait que les premiers associateurs associés à Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'ils étaient dans l'aisance, lorsqu'ils donc n'avaient aucun problème, aucune difficulté, ils se dirigeaient vers leur divinité. Mais lorsqu'ils se trouvaient dans quelconque difficulté ou malheur, ils invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala seul, car ils savaient que nul ne peut les sortir de leur difficulté dans laquelle ils se trouvent à part Allah subhanahu wa ta'ala. Quant aux associateurs de notre époque, il dit leur association est continuelle, que ce soit qu'ils soient dans l'aisance ou bien dans la difficulté. Il nous dit la preuve est que Allah, il nous dit dans le Coran que lorsque il monte sur un bateau, donc par crainte donc de mourir, ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala seul, lui vouant un culte exclusif. Mais lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala les sauve vers la terre ferme, à ce moment-là, ils retournent vers leur association. Donc il a voulu montrer donc la différence entre ces deux groupes d'associateurs, ceux de son époque, et les premiers vers qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. Et donc les versets à ce sujet sont très nombreux dans le Coran, dans surat Luqman, dans surat An-Nahl et dans d'autres versets. Pire encore, c'est que les associateurs à notre époque, peut-être même qu'ils associent plus encore lorsqu'ils sont dans une difficulté. La même personne, on les trouve, ils se retrouvent dans des malheurs, dans des problèmes, c'est à ce moment-là qu'ils vont résider à côté d'une tombe afin d'invoquer cette personne, afin qu'ils fasse disparaître leur malheur. Et on avait dit également que les associateurs, ils demandaient à leurs idoles, à leurs divinités, afin qu'ils se rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donne ce dont ils ont besoin. Contrairement à notre époque, les gens ils demandent à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala istiqlalan, en pensant que c'est lui qu'il donne. Combien de personnes ils se rendent vers autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala en disant oh un tel donne-moi un enfant, oh un tel donne-moi la santé, oh un tel guéris-moi, etc., etc. En oubliant totalement que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne toutes ces choses-là. Donc de cette manière, leur association est pire que celle des premières générations. Et donc, et la personne, plus il s'éloigne et s'égare dans l'adoration, plus son châtiment sera douloureux dans l'au-delà. Même si la mécréance, l'association, c'est c'est un seul et même groupe, mais malgré cela, dans ce groupe, il y a des degrés. Donc, comme il y a au paradis des degrés en fonction des œuvres accomplies ici-bas, donc il y a An-Nabiyyin, As-Siddiqin, As-Shuhada, As-Salihin, etc., etc. au paradis, il y a donc le degré des prophètes, des vertueux, des véridiques, des martyrs, etc. Il y a également en enfer des degrés. Donc dans le mal, Innal Munafiqina fi Darakil Asfali minan nar. On dit que les hypocrites seront au plus bas des degrés de l'enfer. Et Allah il dit également dans le Coran, Innama an-nasi'u ziyadatun fil kufr. Donc lorsque les associateurs, ils jouaient avec les mois sacrés. Donc ils respectaient les mois sacrés. Donc ils refusaient de combattre pendant ces mois-là. Car Allah subhanahu wa ta'ala a interdit le combat pendant les mois sacrés. Mais en même temps, ils s'amusaient avec ces mois. Lorsqu'ils voulaient combattre et qu'ils se rendaient compte que c'était par exemple Rajab, ils disaient là, on va le rendre Shaban, afin de pouvoir combattre. Allah subhanahu wa ta'ala dit que cette chose-là, ziyadatun fil kufr. Et il dit également, alladhina kafaru wa saddu an sabilillah zidnahum 'adaban fawqa al-'adab. Il dit que ceux qui ont mécru, et en plus de cela, ce sont, ou bien on fait obstacle au sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous leur donnerons un châtiment au-dessus du leur. Ils seront châtiés en plus de leur châtiment. Et donc, intahina min hadha al-kutayb al-saghir wal-hadaf min hadha al-kitab an la أن يلبس على الإنسان وعليه أن يميز بين الشرك والتوحيد فإذا صرف الإنسان شيئا من العبادة لغير الله تبارك وتعالى فهو مشرك مفهوم؟ وإن قال أن كيف أكون مشركا وأؤمن أن الله تبارك وتعالى هو الخالق الرازق المدبر وهذا موجود هذه من شبهات المشركين في زماننا وكيف تصفون فلانا بالشرك هو يقول لا إله إلا الله وهو يؤمن أن الله تبارك وتعالى الخالق الرازق نقول طيب كذلك المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يؤمنون بذلك وكانوا يقرون بذلك والدليل قول الله تبارك وتعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار لآخر الآية لا يقولون الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية أن هدفهم وغايتهم من توجههم ودعوتهم غير الله تبارك وتعالى وأن يتقربوا إلى الله تبارك وتعالى. فكذلك في زماننا من يقول أنا أتوسل بالصالحين يذهب عند قبر رجل صالح يقول فلان اشفع لي هذا موجود في زماننا ويسمونه بغير اسمه ما بغاش يقول لك ان هذا شرك يسمون ما حرمه الله تبارك وتعالى بغير اسمه كما الان الربا اش كيسموه فوائد الخمر كيسموه ها شراب روحي هذا كلب بصر الناس فالشرك يسمونه توسلا أنا أتوسل لا أنت تشرك بالله تبارك وتعالى إذا دعوت غير الله تبارك وتعالى فقد وقعت في الشرك. وإن قال يعني أنا لا أدعو أو لا أتوسل إلى هذا الرجل استقلالا إنما أتوجه حتى أتقرب إلى الله تبارك وتعالى، قل طيب. كذلك المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون ويتوجهون إلى آلهتهم لأجل الزلفة ولأجل القربة من الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فالحجة هي نفس التي كانت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. القاعدة الثالثة، قد يأتيك رجل يقول أنا لست بمشرك، طيب لماذا؟ لأني أتوجه إلى الصالح. والمشركون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتوجهون إلى الأصنام. نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم بعث في أناس متفرقين في عبادتهم، فمنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وذكر الأدلة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم ولم يفرق بينهم، بل حكم عليهم حكما واحدا، حكم عليهم حكما واحدا. فالشرك لا ينظر في الشرك يعني ماذا دعوت، هل عاقلا أو غير عاقل، هل أرضي أو سماوي، أنثى أو ذكر، لا، صرفت شيئا من العبادة لغير الله تبارك وتعالى فقد وقعت في الشرك. قال الله تبارك وتعالى أعبد الله وأعبد الله ولا تشرك به شيئا، شيئا يدخل فيه الرجل، المرأة، الذكر، الإنس والجين، العاقل غير العاقل، في الأرض وفي السماء. فمن الذي دعا غير الله تبارك وتعالى فقد وقع في الشرك. هذا هو الهدف من هذه القواعد الأربع. Donc je disais brièvement le but donc de ce livre est de permettre aux musulmans de reconnaître les gens vers qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. Car donc il y a des gens à notre époque qui vouent des adorations à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils ont quelques ambiguïtés lorsque certains les blâment de ce qu'ils font, en disant ce que je fais n'est pas de l'association. Donc la première règle, c'était le fait que les associateurs donc croyaient et donc avaient la conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le créateur, c'est lui le commandeur, c'est lui qui leur donne leur subsistance. Et ça, c'est présent dans de nombreux versets du Coran. Car à notre époque, il y a des gens qui vont dire, comment peux-tu dire qu'un tel commet de l'association alors qu'il dit la ilaha illallah? Comment peux-tu dire qu'un tel commet de l'association alors qu'il pense qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé les cieux et la terre, c'est lui qui lui donne la vie et lui donne la mort? On lui dit, les gens vers qui a été envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam également croyaient en ces choses-là. La deuxième règle, c'était que ces associateurs donc invoquaient leur divinité afin que cela les rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également à notre époque, il y a des gens qui font ce que l'on appelle at-tawassul, le fait d'aller vers autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, vers des gens souvent décédés, et de les invoquer en dehors d'Allah afin qu'ils se rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala, en disant que ces gens-là sont des gens élus auprès d'Allah et que on passe par ces gens-là afin qu'ils intercèdent pour nous auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. On dit ça, c'est de l'association, et que c'est précisément ce que faisaient les associateurs de la Mecque. La preuve en est, Allah nous dit dans le Coran qu'ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut leur nuire ni leur être utile, et ils disent voilà nos intercesseurs auprès d'Allah. Et également Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَنْ عَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. ce qu'ils ont pris en dehors d'Allah, des alliés, et ils disent, nous ne les adorons afin qu'ils nous permettent de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a ordonné de combattre ces gens-là, malgré donc qu'ils voulaient se rapprocher d'Allah, à partir du moment où ils ont voué une adoration qui est l'invocation à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. La troisième règle, donc, c'était le fait que ces gens-là qui adoraient autre qu'Allah, ils n'adoraient pas tous la même chose. Certains adoraient les anges, d'autres les prophètes, d'autres les gens pieux et vertueux, d'autres les arbres et les pierres, et d'autres le soleil et la lune, et d'autres d'autres choses. Et malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a fait aucune différence entre ces gens-là. Car il y a des gens qui vont dire, comment peux-tu dire que j'associe, alors que l'association c'est le fait d'adorer des statuettes, comme les gens de Quraysh. On leur dit non, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il y avait des gens qui adoraient plusieurs divinités, donc les anges, les prophètes, etc., etc., et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a fait aucune différence entre ces gens-là et les a tous combattus. Et donc la quatrième règle, c'était pour montrer la différence entre les associateurs donc des premiers siècles et les associateurs de l'époque de l'auteur. نأخذ كتابا جديدا ولنفس المؤلف ويكون متابعا نفس الفكرة في توحيد الألوهية كتاب اسمه الأصول أو ثلاثة الأصول ثلاث كتاب ثلاثة الأصول أو الأصول الثلاثة الشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله. Donc inshallah on va prendre un nouveau livre. Vous pouvez le trouver donc sur le site de la mosquée. Il y a un en français et un en arabe. Donc c'est toujours sur le même sujet de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, ce qu'on appelle Tawhid al-Uluhiyya. Donc on avait fait une introduction au début du premier cours de Al-Qawaid Arba sur les sortes de Tawhid. Donc on peut rentrer directement dans le sujet. الأصول الثلاثة. ففي هذا الكتاب المؤلف رحمه الله سيذكر أصولا ثلاثة تجب على كل مسلم ومسلمة معرفتها وجوبا عينيا. هذه الأصول هي معرفة الله تبارك وتعالى ومعرفة دين الإسلام ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واجب على كل مكلف، هذا واجب على كل مكلف. يقول مؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. فكما يعني هو شأن المصنفين في شتى الفنون، فإنهم دائما يفتتحون كتبهم ورسائلهم بالبسملة، وهي بسم الله الرحمن الرحيم. العلماء رحمهم الله كما قلنا من عادتهم أنهم أن يبتدئون كتبهم بالبسملة اقتداء بكتاب الله تبارك وتعالى. فأول شيء تجدونه عندما تفتحون المصحف هو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، فاقتداء بالكتاب العزيز. وكذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يكتب في رسائله وفي مكاتباته إلى الملوك، فإنه كان دائما يصدر رسائله بالبسملة صلى الله عليه وسلم. ثبت في البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل كتابا إلى هرقل عظيم الروم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، يعني بدعوة الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. فالنبي صلى الله عليه وسلم افتتح هذه الرسالة وغيرها من الرسائل بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب كيف يؤتيك الله أجرك مرتين؟ ها؟ بإسلامه وإسلامه. إسلام بإسلامه. أجره بإسلامه. نعم. وأجره مرتين إسلامه وقومه. لا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث آخر: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي. هرقل كان على الدين النصارى، فلو تبع النبي صلى الله عليه وسلم يعني سيأخذ أجره مرتين. فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. الأريسيين هم يعني الضعفاء والأتباع. الآن هو ملك الروم، لو أسلم كما قال الأخ ماذا سيحصل؟ سيتبعه قومه في الغالب، ولكن إن تولى فإنه سيمنع أتباعه من الإسلام، ولهذا قال فإن عليك إثم الأريسيين، يعني إثم أتباعك لأنك قد صددتهم عن دين الإسلام. إذن العلماء يفتتحون رسائلهم بالبسملة اقتداء بكتاب الله وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة فعلية، سنة فعلية. أما الأحاديث القولية في هذا المعنى أنه فيه الندب بالبدء بالبسملة فلا يصح منها شيء. الأحاديث أن كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر وأقطع وأجزم، فهذه الأحاديث كلها لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن تكفينا يعني السنة الفعلية، ماشي ضروري يكون أن حديث يعني قولي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فعله صلى الله عليه وسلم كذلك يعني يتبع. Donc on va commencer un nouveau livre qui est donc الأصول الثلاثة، qui est donc les trois bases وأدلتها avec ses preuves. Donc du même auteur, Cheikh l'Islam Mohamed Ibn Abdel Wahhab. Sur le site de la mosquée, vous pouvez trouver une copie en français, une copie en arabe, donc de ce livre. En ce qui concerne donc les règles générales de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et tawhid, on avait déjà vu cela au début du premier livre. Également, la biographie de l'auteur, on avait déjà vu ça. Donc on ne va pas recommencer. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc comme dans le premier livre et comme dans celui-ci et dans d'autres livres, il commence à écrire en disant Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et donc c'est une habitude que les savants ont pris, sont prises de commencer leur livre par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, comme l'a fait l'imam al-Bukhari rahimahullah dans son livre As-Sahih en disant Bismillah ar-Rahman ar-Rahim et d'autres. Pourquoi font-ils cela? Premièrement, ils prennent exemple sur le Coran, sur le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, du fait que la première chose que vous trouverez lorsque vous ouvrez le Coran, c'est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Et également, pour prendre exemple sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car lorsqu'il avait un livre ou une lettre à écrire, il commençait en disant Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Prouve cela donc dans le Bukhari, dans le livre Bad il-Wahi, Hadith Abdullah ibn Abbas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a écrit à Héraclès, donc Hercule, le roi des Romains, en l'appelant à l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim min Muhammadin abdillahi wa rasoul, de Muhammad le serviteur d'Allah et son messager, vers Héraclès, donc le roi des Romains. Salamun ala man ittaba'a al-huda, le salut à celui qui suit la guidée. Amma ba'd, donc je t'appelle à l'appel de l'islam. Aslim taslam, c'est-à-dire embrasse l'islam, tu seras sauvé et Allah subhanahu wa ta'ala te donnera ta récompense deux fois. Et si tu te détournes, tu auras alors le péché de tous les gens qui te suivent, de ton peuple. Donc si tu suis l'islam, tu auras ta récompense deux fois. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: "Thalathatun yu'tuna ajrahum marratayn." Il y a trois personnes à qui Allah subhanahu wa ta'ala, il donne leur récompense deux fois. Il nous dit un homme des gens du livre qui a cru en son prophète et qui a cru en moi. Et il nous dit également: "Rajulun kanat lahu ama, fakana yu'allimuha wa yuhsinu ta'limaha wa yu'addibuha wa yuhsinu ta'dibaha thumma a'taqaha wa tazawwajaha." Il y a un homme qui possédait donc une esclave, et donc qui lui avait bien appris les bonnes manières, qui l'avait bien éduqué, et ensuite il l'a affranchi et l'a épousé. Et le troisième, Abdun adda haqq Allah wa haqq sayyidihi. Il nous dit également un esclave qui aurait donc bien accompli les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala et les droits de son Seigneur. Donc ce qui nous intéresse, c'est l'homme, donc des gens du livre, qui a cru en son messager et au prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il reçoit la récompense deux fois. Et donc s'il se détourne, il aura le péché, donc son péché et le péché de tout son peuple, du fait qu'il les aura empêchés d'embrasser l'islam. Contrairement à s'il avait suivi l'islam, son peuple l'aurait suivi. Donc, lorsque les savants ils écrivent des ouvrages, des livres, ou bien des rasa'il, ils commencent par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, en prenant exemple sur le Coran, et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam également écrivait cela au début de ses livres et ses courriers. En ce qui concerne les hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit: "Kullu amrin fi balin la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa abtar." Donc toute chose importante qui ne commence pas par Bismillah est une chose incomplète. Donc tous ces hadiths-là ne sont pas authentiques. Et donc nous suffit le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'écrivait. Idan Bismillah. Allah alamun ala al-bari subhanahu wa ta'ala. Wa Allah bima'na al-ma'lu. وهو المعبود محبة وتعظيما سبحانه وتعالى وكل الأسماء تضاف إليه كل الأسماء تضاف إلى الله ولهذا يقول الله تبارك وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر فدائما نقول هذا اسم من أسماء الله الرحمن اسم من أسماء الله الرحيم اسم من أسماء الله السميع البصير اسمان من أسماء الله فكل الأسماء تضاف إلى الله تبارك وتعالى ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة متفق عليه ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن لفظ الجلالة الله هو اسم الله الأكبر أو اسم الله الأعظم النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن هناك اسما من أسماء الله هو اسم الله الأعظم فإذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب سبحانه وتعالى هناك خلاف في هذه المسألة وفي بعض العلماء يعني ذهب إلى القول بأن لفظ الجلالة هو اسم الله الأعظم لأن كل الأسماء ترجع إليه نقول الرحمن اسم من أسماء الله ولا نقول الله من أسماء الرحمن لا نقول الله من أسماء الرحمن الرحمن اسم من أسماء الله تبارك وتعالى المختصة به فلا يطلق كلمة الرحمن على غير الله تبارك وتعالى لا يجوز أن تصف شخصا فتقول عنه بأنه رحمن بخلاف الرحيم يجوز أن نقول الشخص رحيم لا جائز الدليل الله عز وجل يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم المؤمنين رؤوف الرحيم وهو يصف نبيه صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم أما الرحمن لا يجوز أن يطلق على غير الله تبارك وتعالى ومعنى الرحمن ذو الرحمة الواسعة ذو الرحمة الواسعة فرحمة الله تبارك وتعالى التي دلت عليه اسم الله الرحمن أن تشمل المسلم والكافر حتى البهائم يا رحمة الله الواسعة قال الله تبارك وتعالى ورحمتي واسعت كل شيء والرحيم ذو الرحمة الواصلة يدل أن الله تبارك وتعالى يوصل رحمته إلى من يشاء من عباده ولهذا يقول الله تبارك وتعالى وكان بالمؤمنين رحيما وقال الله تبارك وتعالى إنه بهم رؤوف رحيم لم يقول رحمن إنما قال رحيم لأنه الرحيم بمعنى يعني الموصل رحمته إلى من يشاء من عباده فالرحمة التي دلت عليه اسم الله الرحيم هي الرحمة التي تصل من يشاء من عباد الله تبارك وتعالى Donc Allah c'est un nom parmi les noms du créateur subhanahu wa ta'ala et Allah ça veut dire l'adorer mahabbatan wa ta'zima avec amour et la vénération hein vénérer vénération avec amour et vénération et tous les autres noms donc reviennent à Allah on dit Ar-Rahman est un nom d'Allah Ar-Rahim est un nom d'Allah Samia est un nom d'Allah c'est pour ça que certains savants ont dit que Allah c'est Ismullah al-A'zam car donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit que il y a un nom parmi les noms d'Allah Iza su'ila bihi a'ta wa iza du'ya bihi ajab lorsqu'on lui demande par ce nom là Allah nous donne Et lorsqu'on l'invoque par ce nom-là, il exauce nos invocations. Donc il y a une divergence à ce sujet. Certains ont dit que wa al-samad, d'autres ont dit que al-hayyul qayyum. Et donc il y a plusieurs avis, mais certains ont dit que c'était Allah, du fait que tous les autres noms reviennent à ce nom-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna lillahi tis'atan wa tis'ain asman man ahsaha dakhala al-jannah. Allah possède 99 noms, celui qui les dénombre entrera au paradis. En ce qui concerne la différence entre Ar-Rahman et Ar-Rahim, donc premièrement Ar-Rahman prouve l'immense miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui englobe toute chose. Allah a dit wa rahmati wasi'at kulli shay. Il nous dit que ma miséricorde englobe toute chose. Donc ça englobe les hommes, les femmes, les anges, les démons, les croyants, les non-croyants, les musulmans, les non-musulmans, même les animaux et les plantes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, de sa miséricorde, il donne à tous ces gens-là leur subsistance. Donc ça, c'est la miséricorde prouvé par le nom Ar-Rahman, donc une miséricorde très large et immense. Et ce nom-là ne peut être attribué à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Musaylama al-Kadhab. Donc il y avait un homme qui à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prétendu être prophète, il s'appelle Musaylama, et il a été combattu par Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam fi Waqi'at al-Yamama, donc un endroit qui s'appelle Yamama proche à l'heure actuelle de Al-Riyad. Il y a eu donc un combat entre l'armée de Abu Bakr et l'armée de Bani Hanifa, qui était l'armée de Musaylama. Musaylama, il avait eu l'audace de s'appeler Rahman al-Yamama. Rahman al-Yamama. Donc Rahman de cet endroit qu'on appelle al-Yamama. Et Abu Bakr donc a fait que Musaylama donc soit tué par Wahshi, qui est le même qui a tué Hamza ibn Abdul Muttalib lors de la bataille de Uhud. Donc Wahshi radiallahu an, il a donc tué Musaylama. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait que son surnom qui s'était donné Rahman al-Yamama s'efface de l'histoire. À l'heure actuelle, Musaylama, il est connu par quel nom? Musaylama al-Kadhab. Musaylama al-Kadhab, donc le grand menteur. Donc Rahman est un nom qui ne peut être donné à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahim est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait parvenir sa miséricorde à qui il veut parmi ses serviteurs. C'est pour ça que dans le Coran vous verrez wa kana bil mu'minina rahima. Il est Rahim pour les croyants. Innahu bihim la ra'ufur rahim. Il est pour eux, il a pour eux de la piété et de la pitié et de la miséricorde. Donc il n'a pas cité le mot Ar-Rahman, car donc il y a une nuance entre les deux. إذن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. عندما نضيف مفردا إلى يعني إلى مضاف إليه يدل على يعني الاستغراق لهذا الشيء. عندما تقول بسم الله تقصد كل اسم من اسماء الله تبارك وتعالى. فإذا تقول عندما تقول بسم الله يعني تقصد كل اسم من اسماء الله تبارك وتعالى. إذن بسم الله يعني الباء يعني المصاحبة والاستعانة وكذلك تتبرك بالبدء ببسم الله تبارك وتعالى. وهناك يعني فعل مقدر. عندما تقول بسم الله الرحمن الرحيم كان المصنف يقول بسم الله الرحمن الرحيم أكتب أو أصنف. عندما تريد أن تأكل تقول بسم الله وأنت تقصد أكل أو أشرب أو أنام. فأني متعلق الجار والمجرور يعني حسب المقام يعني يناسب المقام ويكون متأخرا يعني لا تكتب إلا ببسم الله الرحمن الرحيم. Donc lorsqu'il a dit Bismillah, donc ism, c'est-à-dire le nom d'Allah, donc tu désires tout nom parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu dis Bismillah, tu veux dire tous les noms parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-kitab hada, yani thalathat al-usul, mu'allafun min thalathat aqsam. هناك مقدمة وهناك مضمون الكتاب أن الأصول الثلاثة معرفة الله ومعرفة دين الإسلام بدليله ومعرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك خاتمة. الكتاب على صغر حجمه قد تضمن هذه الأمور كلها. والمقدمة نفسها هي مقسمة إلى أقسام. وعند بداية يقول أني إعلام رحمك الله إعلام أرشدك الله. إذن يقول المؤلف رحمه الله اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلى هذه السورة لكفتهم. وقال الإمام البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. Donc l'auteur, dans ce livre, les trois bases. Donc ce livre est composé donc d'une introduction, donc des trois bases qui sont le fait de connaître Allah, de connaître son messager, de connaître la religion de l'islam, et d'une conclusion. Donc l'introduction elle-même est divisée en plusieurs parties. Donc on va commencer par la première partie. Il nous dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il nous est obligé de connaître quatre points. Le premier point, la science, qui est le fait de connaître Allah, de connaître son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de connaître la religion de l'islam avec ses preuves. La deuxième chose est l'amal bihi, donc après avoir appris ces choses-là, les mettre en pratique. Le fait d'appeler à cette chose-là. Après avoir donc appris, mis en pratique, on appelle à l'islam. Donc le fait de patienter aux difficultés que l'on va rencontrer, donc en faisant toutes ces choses-là, en apprenant, en appliquant et en appelant à l'islam. Et la preuve de ces quatre points, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala où il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa al-Asr, par le temps, inna al-insan lafi khusr. L'homme est certes en perdition, illa alladhina amanu wa amilu salihat, sauf ceux qui ont cru et accompli les bonnes œuvres, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, et se recommandent mutuellement la vérité et se recommandent mutuellement la patience. Donc ces quatre points, il est attiré de Surat al-Asr. Al-ilm, lorsqu'il a dit illa alladhina amanu, sauf ceux qui ont cru, donc il n'y a pas de croyance sans connaissance. Wa amilu salihat, donc le fait de vrai. Ensuite wa tawassaw bil haqq, ils se recommandent mutuellement la vérité, donc c'est ça ad-da'watu ilay, et se recommandent mutuellement la patience. L'imam al-Shafi'i rahimahullah, donc le célèbre imam, il nous dit que si Allah subhanahu wa ta'ala n'avait fait descendre sur ses créatures, ou bien sur sa créature, que cette sourate, ça leur aurait été suffisant. Donc on va expliquer ce que l'imam Shafi'i, rahimahullah, a voulu dire en disant cela. Donc pour montrer la grande importance de cette sourate qui est sourate Al-Asr, malgré que ce soit une des plus courtes du Coran. Et l'imam al-Bukhari, rahimahullah, il nous dit Babun, donc chapitre, Al-Ilmu qabla al-qawli wal-amal, la science doit précéder la parole et l'acte. Et nous dit la preuve à cela est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Allah dit dans sourate Muhammad, sache que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah et demande pardon pour tes péchés. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a commencé à ordonner au prophète sallallahu alayhi wa sallam de savoir que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah avant même de lui ordonner de demander pardon. Donc fabada'a bil ilmi qabla al qawli wal amal. Allah dans ce verset il commence par la science avant même la parole et l'action. إذن يقول المؤلف رحمه الله اعلم رحمك الله فبدأ بهذا الأمر وهو إعلام يعني حتى ينتبه القارئ والمستمع لهذا الكتاب، فهي كلمة أن يؤتى بها عند ذكر الأشياء المهمة حتى يصغي المستمع ويلقي سمعه وينتبه. رحمك الله بمعنى غفر الله لك ما مضى ووفقك وعصمك فيما يستقبل. فهذا دعاء من المصنف رحمه الله يدعو للقارئ وللمستمع برحمة الله تبارك وتعالى. والرحمة إذا أفردت تدل على ما قلنا، تدعو من الله تبارك وتعالى أن يغفر له ما مضى من ذنوبه وأن يوفقه ويعصمه لما سيستقبله في المستقبل. وإذا يعني قرنت الرحمة بالمغفرة فلكل واحد منهما معنى، فتكون الرحمة لما يستقبل والمغفرة لما مضى من الذنوب والأخطاء. وهذا يدلنا على أن أصل هذا العلم هو الرحمة، فينبغي للمتعلم أن يكون رحيما بمن يلقي على مسمعه العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. والحديث في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهذا الحديث هو يعني أول حديث يحدث به المحدثون تلامذته. فالآن إذا أراد المحدث أن يعني يحدث تلميذا له بحديث، أول حديث يحدث به وهذا: الرحمون يرحمه الرحمن، ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. وعندما يحدث بهذا الحديث اش كيقول؟ تيقول مثلا: حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه. فهو مسلسل، كل شيخ يحدث بهذا الحديث عندما يحدث يعني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يبدأ بهذا الحديث حتى يبين للطالب أن مبنى هذا العلم، أن هذا العلم مبني على الرحمة، أن هذا العلم مبني على الرحمة. والمصنف رحمه الله دائما يعني يدعو للقارئ، يقول: إعلام رحمك الله، إعلام أرشدك الله، فيدعو للقارئ. وقال تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا يعني يشجع الإنسان على القراءة، يعني تبدأ تقرأ الكتاب ويقول لك: رحمك الله، أرشدك الله، وفقك الله، فيدعو لك حتى يعني تشد على يعني صاعد الجد وتقرأ في هذا الكتاب. Donc l'auteur a commencé en disant: I'alam rahimakallah, sache qu'Allah te fasse miséricorde. Donc en disant sache, ça permet d'attirer l'attention du lecteur en lui montrant que les choses qui vont venir après sont très importantes. Ensuite il invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour la personne qui lit. On avait vu dans le premier livre lorsqu'il dit: صلى الله تعالى نجعلنا ممن إذا أعطي شكر وتولنا في الدنيا والآخرة، ونجعلنا من الذين إذا من الذي إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. Donc on avait vu qu'il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala pour la personne qui lit le livre, et que cela donc incite la personne à lire lorsque l'auteur a pour habitude d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimakallah, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne tes péchés passés et qu'il t'aide et t'affermisse pour les choses à venir. Et donc ce qui nous prouve que cette science, la science de l'islam, la science du tiré et du Coran et de la Sunna, elle est basée sur la miséricorde, sur la douceur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit: Ô Allah, il invoque Allah en disant: Man waliya min amri ummati shay'an, celui qui s'occupe d'une chose pour ma communauté et qui la rend difficile pour les gens, ô Allah, rends-lui les choses difficiles. Fashqa alayhim fashqqha alayhi. Et il dit au contraire: et celui qui s'occupe d'une chose pour les musulmans et a été doux avec eux, soit doux avec lui, rapporté par Muslim. Et les savants, depuis toujours, ils essaient de montrer donc aux élèves donc de science que cette science est basée sur la facilité, sur la miséricorde, sur la clémence, du fait que le premier hadith que rapporte le muhaddithoun lorsqu'ils veulent donc citer un hadith à leurs étudiants, donc je parle muhaddithoun, ceux qui rapportent le hadith avec la chaîne de transmission, le premier hadith c'était Ar-Rahimun yarhamuhum ar-Rahman, irhamuhum fil ard yarhamkum man fis sama', et en disant حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه. Un tel m'a dit, et c'est le premier hadith que j'ai entendu de lui. Et il a dit, un tel m'a dit, et c'est le premier hadith que j'ai entendu de lui. C'est toujours le premier hadith qu'il citait, afin de montrer donc aux étudiants que cette science est basée donc sur la miséricorde et la clémence. Et Allah dit dans le Coran: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. Allah dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam: et si tu étais dur, غليظ القلب, avec un cœur épais, لانفضوا من حولك, c'est-à-dire les gens se seraient éloignés de toi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin donc que les gens reste avec lui et écoute le message qu'il avait à transmettre, il s'ornait du meilleur des comportements. Et donc tu possèdes certes un grand comportement. Et alam rahimakallah annahu yajibu alayna ta'allumu arba'i masail. Al-oula al-ilm, huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam wa ma'rifatu din al-islam bil adillah. Idhan yaqul annahu yajibu alayna تعلم أربع مسائل. سأذكرني العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. يقول أنه يجب أن يجب مأخوذ من الوجوب, مأخوذ من الوجوب, والوجوب وما يعني طلبه الشارع أمرا جازما, يعني لا يسمح في تركه, ولهذا نتيجة الوجوب أن يثاب فاعله ويعاقب تاركه. ومن الوجوب ما هو واجب عيني, ومنه ما هو واجب كفائي. الواجب العيني هو ما وجب على كل المكلفين, على كل المكلفين كالصلاة مثلا والصيام والحج, هذه العبادات تجب على كل المكلفين. والواجب الكفائي هو ما وجب على يعني فئة من المكلفين, فإذا قام به البعض سقط عن الباقين كالأذان, كتغسيل الميت, كالصلاة على الميت, هذا الأمور واجبة ولكن ليست واجبة على كل الناس, إذا فعله البعض سقط عن الباقي. ولكن هذه الأمور التي ذكرها المؤلف رحمه الله من الواجبات العينية, من الواجبات العينية معرفة الله واش واجب كفائي هذا معرفة الإسلام ماشي معرفة الإسلام بالكلية ولكن لابد معرفة بعض الأمور يعني ما يقوم عليه دينك كالصلاة والصيام هذه الأمور لابد أن تعرفها إذن يقول أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم رواه ابن ماجه الحديث فيه كلام على كل حال يعني حسنه كثير من العلماء فالواجب على الإنسان معرفته من الدين هو ما يقوم عليه دينه لابد أن يعرف مسائل التوحيد والشرك لابد أن يتقن مسائل الطهارة لابد أن يعلم مسائل الصلاة يعني ما يباشره في عبادته اليومية ومع الأسف أن كثير المسلمين أن هذه الأمور لا يتقنها ولا يريد أن يتقنها لا هذه من الواجبات العينية من الواجبات العينية وإلا لا معنى لهذا الحديث أن طلب العلم واجب لكل فريضة على كل مسلم donc l'auteur il a commencé en disant sache que il nous est demandé ou bien il est obligatoire pour chacun de connaître quatre points. Donc l'obligation, ce que l'on appelle al-wujub, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala ou son prophète ont demandé d'accomplir d'une manière nijazima, d'une manière imposée. C'est-à-dire qu'il est interdit de le délaisser. L'auteur nous dit, sache, qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il nous est obligatoire d'apprendre quatre points. Donc le fait, la première chose, la science, la deuxième chose, le fait d'œuvrer, la troisième chose, le fait d'appeler à cette religion, et la quatrième chose, le fait de patienter. Donc les choses obligatoires dans l'islam, c'est ce qu'on appelle « al-wajib ». Donc il faut absolument accomplir. Donc la personne qui accomplit ces choses-là sera récompensée et la personne qui les délaisse méritera un châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la preuve de l'obligation de ces choses-là, c'est surat al-Asr. Inna l'insana lafi khusr. Chaque homme est en perdition, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui ont cru, accompli les bonnes œuvres, se recommandent mutuellement la vérité, se recommandent mutuellement la patience. Donc toute personne doit essayer d'être sauvée de cette perdition, ce qui prouve l'obligation de ces quatre points. Et il faut que chaque personne différencie l'wajib min al-mandoub, min al-mubah, min al-makrouhi wa min al-haram. Donc il faut que chaque personne différencie ces quatre points, ces cinq points. L'on appelle l'ahkam al-taklifiyya, l'obligation, l'wajib, les choses recommandées, mustahab ou bien al-mandoub, les choses permises, qu'on appelle al-mubah, et les choses déconseillées, al-makro, les choses interdites, al-haram. Il faut que le musulman donc il différencie toutes ces choses-là, car ces choses-là ne sont pas semblables. Également, en ce qui concerne les choses obligatoires, donc il y a des choses obligatoires pour tous les musulmans, pour les hommes, les femmes, pour tout le mukallafin, on va dire. Toute personne responsable, que ce soit homme, femme, âgé, plus jeune, c'est ce que l'on appelle le wajib ul-aini, comme la prière, le jeûne, le pèlerinage. Donc ça, chaque personne doit l'accomplir. Et il y a des choses que l'on appelle fard kifai, c'est des obligations, mais si certains les accomplissent, les autres n'ont pas à les faire. Comme par exemple l'adhan. L'adhan, c'est une obligation. On n'a pas tous à faire l'adhan. Si un fait l'adhan, ça suffit pour les autres. Pareil pour salat al-janaza, pareil pour tarsil al-mayyit, etc., etc. Donc ces choses-là, il faut que le musulman les maîtrise. Wa nukmil al-aswa al-qadim, inshallah, tabaraka wa ta'ala. Wa sallallahu ta'ala yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.